Bonsoir. Alors, en manchette ce soir, je suis à la barre, je ne suis pas prêt, tout va bien se passer. Vous écoutez 70%. 70% étant une émission de radio étudiante que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Choc FM est le nom de la radio étudiante, de la radio de Choc FM que nous sommes 70%. Attendez un petit peu, là, parce que là, tout marche pas, là, puis c'est ça. Parce que je suis pas bon là-dedans, là, puis voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on se bourre, les désennuis, sous les stars d'académie? Sommes-nous des doutants, doutants du temps doux, vacants dans les chanchous? Quand la cloche sonne, un bon tout te donne son 70%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bon, bon, bon, fort, chaton, tweetant, mais doutant encore. Oh! Oh! Question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, plus le Jésus, les douteux, doute à nu. Le vent douteux à 70%. Quand la cloche sonne, un bon doute donne son 70%. Bonjour, bienvenue à 70%. Émission de radio dans laquelle je vais essayer ce soir de m'en sortir en n'étant pas trop pas bon à la régie. On croit en toi. Rien pour t'aider. Ah, merci. Alors, vous avez reconnu les balbutiements de Simon Predge et Étienne Forêt. Simon Predge. Salutations. Bien, ça se passe bien. Belles affaires, c'est le fun. Ouais, excellent. alors, aujourd'hui, voilà, on va écouter un petit peu de musique, ou peut-être pas, parce que ça ne veut pas marcher. Là. Alors, non, ça on chantera, sinon. Ça ne veut pas marcher, aller. Donc on n'écoutera pas ça. Non. On va faire autre chose. Stop. Bon, embarque avec moi. 3, 4. La la la la la la la la. Hey, avez-vous hâte au temps des fêtes? Je suis en train de préparer. le 9e spécial des fêtes de Radio Coche. T'es aussi de bonheur que les gens coutus avec les décorations. Il faut partir ça de bonheur. Oh, voilà. Une trame sonore, mesdames, messieurs. Puis je suis également, pendant que je suis dans les annonces, en train de préparer fortement l'encan douteux du 21 novembre. Oh yeah. Au pub Brouhaha, en soirée. Excellent. On a du maudit bon stock, puis j'ai quelques extraits d'affaires que je vais faire vendre, que je vais vendre là-bas, que vous pourrez entendre en exclusivité ce soir. Ça va être fantastique. Excellent. Et puis si jamais vous avez des choses à faire ou à dire là, à la foire douteux, là, gênez-vous pas, hein, nous autres, on vous invite, puis tout, là. Oui, tout le monde est bienvenu. C'est un bar open. Vous savez faire quelque chose, vous avez le goût de vous exprimer sur n'importe quoi, vous avez un talent caché, vous avez aucun talent, puis vous voulez juste vous le montrer à tout le monde, appelez-nous, on est là pour ça. On est vraiment, vraiment bon là-dedans. Allez voir à douteux.org pour détails et liens vers des emails. Voilà. Hey, c'est bien, faites pareil. Vous envoyez seulement un email à douteux.org et là, un email à douteux à douteux. Mais oui. Oui, alors vous pouvez faire ça. Là, si vous êtes douteux, nous aussi. Voilà, excellent. Alors, de quel film qu'on parle aujourd'hui, Predge? Ben, ce soir, ils ont voté pour La plage en folie. Ils ont. C'est ça. Ils ont, le peuple. D'accord. Le peuple s'est exprimé. Veux-tu que je te parle un peu du film de tout de suite? Ben oui, parle-moi donc du film un peu tout de suite. Là. Ben en fait, merci d'être venu voter à douteux.org, tout le monde. Vous avez voté, comme j'ai dit, pour Beach Fever, aka La plage en folie, dans la gamme des comédies d'été pour ados sur la plage. On en connaît tous une bonne vingtaine chacun. Et La plage en folie fait partie des plus désopilantes. J'espère que vous avez décelé mon sarcasme, parce que honnêtement, j'arrive pas à croire que quelqu'un a accepté de tourner un film avec un scénario aussi ridicule. Vous aurez des élans de violence, je vous le garantis. Benoît, on va avoir besoin de toi, on va avoir besoin de ton aide pour ramasser projectiles, parce qu'il va s'en lancer en barnac. Et ce, sur tous les personnages, les bons comme les méchants. Alors, voici la base de l'histoire, qui engourdit notre chef-d'œuvre de la folichonnerie mal dosée. Sake. C'est son nom, oh. Sake. Ça commence bien. C'est un japonais, on l'appelait Sake. Ben c'est oui. Wong ou Wing, tu sais. C'est un japonais en voyage aux États-Unis pour trouver la technique pour séduire les femmes américaines. S'il réussit, son père, un entrepreneur, promet de lui donner plein d'argent. Ah, je pense que c'est 100 000, une affaire de même. Ça arrive souvent, ça, des pères qui font ça. Ben oui. Fait que déjà, cette histoire-là, ça part tout croche. Sur la beach, il rencontrera Chat. C'est son nom. Ils deviendront les meilleurs amis du monde. Ils font équipe pour cruiser les minettes en bikini. Puis ça, il n'y en manque pas dans le film, des filles en bikini. Vous devinez que nos deux amis sont des geeks, laids et crétins, et donc les rejets pullulent de tous les orifices durant leur grande séance de séduction, dans lesquelles ils vont faire équipe avec un crayon et un cahier de notes à la main. Alors, je vais vous montrer un petit extrait de leur rencontre. Ça, c'est si ça accepte de démarrer. Voyons voir. Attends un petit peu. Vas-tu la voir? Est-ce qu'on entend quelque chose? Moi, je n'entends pas. Est-ce qu'on entend quelque chose? Et vous aurez remarqué l'absence de Tommy Godette aujourd'hui, qui est en ce moment à l'Université du Québec en Abitibi, en train de participer à un cours de philosophie. En train de pas trouver c'est laquelle la slide de volume. Également. Bon, ben, patience. Attends un petit peu, là. Y a-t-il un piton? Faut que je pèse dessus? Hein? Je pourrais commencer à peser sur des pitons, là. À 16 ans, ouais. Il n'y a pas un piton sur la console principale aussi qui est relié à cette entrée-là? Ça de même? Non, ça de même? Non, ça de même? Non, ça de même? Ça, non? Attends un petit peu. Ah, peut-être ça. OK. Ça de même, peut-être? OK. Non? Ça de même? Ça de même? Alors, à la maison, si vous savez c'est quel piton, appelez-nous en onde. 987. Est-ce que ça joue encore dans ton ordi? Ouais, là, moi, je suis encore en train d'essayer de trouver. Ah, voilà! Okay, alors, voici la première conversation sérieuse que nos deux compatriotes ont ensemble sur la plage quand, à leur rencontre. Laisse-moi te dire ce que je suis venu faire. Tu vois, loin d'ici, il y a le Japon. C'est là qu'habite mon père. Il est très, très, très riche. Il possède une très grosse société de services. Un jour, il m'a dit comme ça, mon fils, essaie de trouver une réponse à la question universelle. Comment draguer les filles? Et si tu trouves, il m'a promis de me donner 100 000 dollars. T'imagines? Quelle somme! C'est bien. Je serais riche, moi aussi. Ah ouais? Ouais, tu me parles. Alors, je me suis décidé à venir ici, sur la côte, pour écrire un livre qui répond à ce mystère. Alors, je me promène comme ça, puis je fais un travail de débroussaillage. Je parle aux filles, quoi. Hey, fais gaffe, tu sais pas où tu mets les pieds. Tu veux bien que je te lise quelques notes et tu me diras ce que t'en penses. T'es prêt? Tu me montres un peu tes melons, ma belle. J'ai envie de les presser pour satisfaire ma soif. Non, c'est pas bon. Baisse-toi, ma petite beauté, que je puisse enfin admirer tes jolies cuisses. Génial, non? Non, ça, c'est pas bon. Il est cocasse, mais d'après moi, c'est parce qu'il est japonais. C'est ça. C'est des standards différents. Fait que vous voyez à quel point le scénario est extraordinaire. Je t'ai même pas dit les meilleurs. Ouais, mais sans moi. Est-ce que tu veux que je baisse le son, là? Non, mais qu'est-ce que ça occupe, là? D'un coup que tu trouves plus le piton après. Non, j'ai trouvé là, je sais tout c'est quoi. Comme c'est, touche plus à rien. Fait que bon, déjà, si Sake, notre japonais de service, changeait de style vestimentaire, et là je parle de t-shirt trois quarts pour homme, je veux dire pour fifon, peut-être aurait-il des chances avec nos demoiselles. Mais nos deux zouzous feront donc la rencontre d'un pseudo-scientifique de 15 ans, du nom très sélect de Ernie. Ouais, vu qu'il est scientifique. Ben ouais. C'était ça au Point Dexter. T'as tout compris. Alors, Ernie va leur inventer une lotion pour le corps qui transforme les femmes en zombies nymphomanes simplement en humant le parfum de la dite lotion. Ah. Après l'avoir testé et retesté dans des scènes coquettes sur lesquelles on a envie de cracher, eh bien, ils décideront de commercialiser le produit pour la vendre à tous les maniaques sexuels et les losers qui se tiennent sur la beach. Ils se tiennent là à temps plein pour voir des boules parce que dans le temps, l'Internet, ça n'existait pas. Alors, on va écouter justement une séquence de Ernie qui nous parle de sa toute nouvelle lotion. Ben regarde-moi ça, on voit là des jolis doutes. Chut, chut, chut. C'est joli. Ça quiche, ça quiche. J'aimerais bien m'y réchauffer au milieu. C'est parce qu'il y a des pitounes dans le local du scientifique. Là, ah ouais. Et je crois que vous vous trompez de méthode. Attends un peu, de quoi tu veux parler? Et votre attitude, enfin votre approche me semble particulièrement bête. T'as compris, toi? Rien du tout, tu peux expliquer? Bien, après avoir constaté l'échec de votre approche de ces demoiselles à la pouture, j'ai fini par conclure que vos recherches avaient besoin de la contribution non négligeable des découvertes les plus récentes dans le domaine de la science. Mais encore. Ouais, un nouveau stimulant que j'ai moi-même testé pour l'instant, encore inconnu de l'homme. Je précise un petit détail. Une seule petite goutte de ce produit et n'importe quelle femme est à vos pieds. Et tu débloques, Ernie. Et enlevez vos paluches. D'ailleurs, rien qu'à te voir, on se demande à qui on a affaire. Et c'est vrai, tu devrais faire attention. Rien qu'à te voir, on se demande à qui on a affaire. On se demanderait pas ça si on a crédit. Oh non. Oh, mes belles pattes. Bon, eh bien, je vous propose un marché. On devient partenaire. Je fabrique le truc et vous serez chargé de le vendre. Qu'en dites-vous? Tu dis ça sérieusement? Ah, je ne plaisante pas avec vous. Ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve que ce truc est au point, hein? Ben, je vais vous faire une démonstration. Alors, ces rats ici, ils sont pas... Oh, il y a deux rats dans l'aquarium. J'ai pas envie de pas mon matos. Je suis désolé, ça va, arrête. Ces deux spécimens se tiennent volontairement à l'opposé l'un de l'autre, pour une seule et unique raison. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Ce sont des ennemis mortels. Maintenant, vous allez bien regarder, je demande toute votre attention. Soit ces deux rats sont des ennemis mortels. L'heure de vérité, là. Et il leur donne le petit produit. Et vous entendez les rats qui se mettent. Eh oui. Et voilà. Évidemment, donc, si ça marche sur des rats, ça marche sur des humains. C'est sûr, c'est la même affaire. Il va me demander. Pas mal, c'est ça te plaît. Alors, vous me croyez maintenant? Oui, nous sommes convaincus. Les partenaires, ça marche, ouais. Alors, maintenant que je viens de vous parler des personnages gentils, vous devinez que ça prend aussi des personnages méchants parce que c'est insuffisant pour remplir un film d'une heure et demie. Mais j'y reviendrai tantôt, ça. Tantôt, je vous parle des méchants. Dans le film La plage en folie. Et pourquoi il y a des méchants? Ça avait tellement l'air sympathique. Ouais, ça se passait tellement bien. Là. Oui, on n'avait pas besoin d'une complication. Mais non, ça prend un conflit. Je suis très déçu. Petite affaire. Moi, je vais mettre une toune là, parce que. Va falloir. Il faudrait bien mettre de la musique. Puis après ça, on va revenir puis on va parler d'autres choses. C'est bon. Fait que, bon plan. On s'en va écouter du Beck. Là. Yeah! Allez. Beck à 70%! 70%! Choc! L'alternative urbaine! Excellent choix! Ça, Beck! En effet. Lazy flies are hovering above. The magistrate, he puts on his gloves and he looks to the clouds, all pink and disheveled. There must be some blueprint, some creed of the devil, inscribed in our minds. A hideous game vanishes in thin air, the vanity of slaves. Who wants to be there to sweep the debris? The harness dead horses, the ride in the sun, a life of confessions written in the dust. Out in the mangroves, the minor birds cry. In the shadows of sulfur, the trawlers drift by. They're chewing dried meat in a house of disrepute. The dust of opiates and syphilis patients, ambrosia vacations. Fear has a glare, traps you like searchlights. Irritant stare, their souls are fluorescent. The skin of a robot vibrates with pleasure. Matrons and gigolos carouse in the parlor. The hand grenades, impotent and blind. to be there to sweep the debris, to harness dead horses, ride in the sun, a life of confessions written in the dust. Alors, on a un appel téléphonique, semble-t-il. Nous allons vérifier qui ça pourrait être. Je me demande si c'est parce que j'en parlais tantôt. On a bien fait. Alors, bonjour, vous êtes à 70%. Hey, salut, M. Corbin. J'appelle pour vous dire que je trouve vraiment génial et j'espère gagner la Nissan Sentra. Mais malheureusement, la réponse qu'on cherchait était « Bruno Corbin est une locumène ». Merci d'avoir essayé. Hey, puis ça va bien, les gars? Oui, ça sent correct, là. On a eu de la misère avec certains pitons puis tout, là. Puis je suis pas sûr de qu'est-ce qu'il faut faire à la fin quand je m'en vais d'ici, mais à part de ça, c'est correct. Ouais, faut que tu mettes Sam sur Auto DJ. Ok, c'est bon. Voilà. Tu vois, dans le milieu, il y a ça. Une charge à appeler, man. Imagine le drame. Ouais, c'est fou. Moi, j'aurais rien que laisser Radio Coche jouer tout le long. Je le vois, Sam. Ah! Étienne Forêt, ou des limites. Ah, nous autres, on est à l'entrée du parc, là, puis on est ben plein de bonnes énergies, là, puis là, on s'est dit qu'on était pour vous appeler, puis vous souhaiter le mieux possible dans cette période de grippe porcine. Oh. Bon. Là, vous en allez dans un cours de philo en Abitibi, c'est ça? Ouais, c'est ça, on s'en va donner une conférence. On a été invité par le département de philosophie du département des hautes études du département de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est bon, ça a l'air officiel. Il y a assez de mousse dans le studio, vous sentez la broue, là. Ah ouais, mais hein, écoute, t'en as bien assez pété. Puis nous autres, on est en train d'étouffer dans le char. Ah ouais? Ben non. Puis vous êtes à l'entrée du parc? Oui, c'est ça, l'entrée du parc, la véranderie, bien sûr. Un bon 2 heures de rien en avant, rien en arrière, rien dans les manches. Hey, est-ce que la candidate du parti Néo Rino est là? Ben justement, non. On voit bien que ce parti-là, il nous promet la lune. Il nous promet toutes sortes d'affaires. Ok, j'ai rien compris. Non, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là, bon ben. Elle est avec toi, en fait. Non. Ben, Jean-Patrick va l'appeler pour y dire bravo, là. Puis sinon, entre vous autres, j'espère que vous allez avoir le maximum de plaisir dans un minimum de temps. Maximum de fun, c'est ça. On est bon. Déjà, t'as appelé, ça part bien, je veux dire. Écoute, comment avoir plus de plaisir? J'ai même pas encore fait ma chronique sur les fruits, tu vois, puis on a déjà plein de fun. Oh, hi, Tom! Hey, bon, ben, je vais vous laisser continuer à faire votre strict minimum d'abord, là, puis... Puis c'est ça, c'était le commentième appel pour la Nissan Sentra. T'étais le 92e, c'est dommage. C'est juste que les 91 autres étaient avant l'émission. Là. C'est ça. Okay. Puis on avait juste 90 Nissan Sentra, mais peut-être la semaine prochaine. Vous êtes vraiment rusés, les gars. Quand même, hein? Bon, ben on se revoit bientôt. En tout cas, jeudi 19h chez Simon Chénier. Bye bye, Tommy. Occupez-vous tous embrassés dans le cou, chaudement. Au bye, Tommy. Je pense qu'il y a des bourrelets qui veulent vous dire bonjour. OK. Bonjour. La grosse. La grosse. Alors, amusez-vous ce soir avec les films de saints au brouhaha. C'est sûr. Ouais, on va essayer. Là. La plage en folie. Oui, en bikini. Salut, là. Okay, ciao, bye, ciao. Là. Bon. Oui, allô? Ah non, ils sont encore là. Ils sont encore là. Ben, oui, quoi? Ben ouais. Oui, là, c'est Jean-Patrick. Oui, oh, salut. Monsieur Néo Rino. Ouais, ben oui, elle est pas là. Elle est pas là, ta candidate. Ouais. Là, que c'est ça, c'est intolérable. Moi, je voulais voter pour toi, puis là, je remets tout en question. Ben, je te comprends, je trouve ça très, très grave. Mais en fait, moi, je voulais avoir l'appareil juste pour dire une chose. Parce que là, on a un enregistrement qui dit vous écoutez Jean-Patrick Bertillon, je suis présentement en onde, puis je suis présentement pas en onde. Puis là, je voulais simplement en avoir un nouveau avec « Je suis présentement au téléphone ». Ah, c'est bon, ben vas-y, go. Fais-les go. Alors, vous écoutez Jean-Patrick Bertillon à 70% et je suis au téléphone. Voilà, et voilà. C'est tout ce qui nous manque. C'est tellement officiel. Non, non, je suis sûr qu'on peut trouver d'autres situations et je suis en train de sauter en parachute. Il nous en manque plein. Exactement. Hein. Ça lance une grande lignée de petits démos. La prochaine fois que tu vas aux toilettes, on se rappelle. Parfait. Fait qu'on mange des petits bonbons sûrs à votre honneur, puis on revient bientôt. C'est bon. Right. Bye bye. Bon, bonne ride. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bon. Ils ont-tu raccroché, là? Raccroche, toi. OK, là. Bon, moi, je raccroche. OK. Cette année, là. Mon année, là. C'est quand même toi qui run le show. Bon, alors, après ce délai imprévu, voilà, on va aller... je vais vous faire une nouvelle, Quint. Hein? Oh, oh! Hein? Une nouvelle, on réplique. Oh, mais là, cette semaine, là, on t'annonce en grand, là. Ah oui, c'est vrai. Cette semaine, on m'annonce en grand. Alors, on y va. Boy, hein? Ça part bien? Ça part fort. OK, on essaye. OK, maintenant. OK, là. Okay. Ah non, on repart là. On repart là dans 1, 2, 3, go. 3, 4. OK. 1, 2, 3. OK, go. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. C'était rough, hein, ça? Pas facile d'enchaîner. Non, pas du tout. Alors, voilà. Je vais faire une nouvelle. J'ai plus besoin de dire ça, là. Ah oui, c'est vrai. Voilà! Alors, okay. Lâche pas, Bruno, on croit en toi. OK, c'est bon. Alors, encore une fois, la Cour a rejeté la défense de folie invoquée par un criminel pour une tentative de vol à main armée parce qu'il avait joué à Grand Theft Auto 10 heures en ligne sur le Crystal Meth. Jason Henning a tenté de voler l'hôtel Days Inn de Placer County en Californie. Il était alors sous l'influence d'un mélange de méthamphétamine, d'alcool, d'ecstasy, de crack et de champignons hallucinogènes. Wow. Henning affirme qu'au moment où il a été arrêté, il aurait entendu des voix d'êtres verts qui lui disaient « C'est le moment de faire ça, tu peux faire ça et faisons ça. » Ça étant probablement de sortir avec un shotgun et un masque de ski, entrer dans un Days Inn, demander l'argent au concierge, se faire dire qu'il n'avait pas accès à la caisse, réfléchir un peu, demander le portefeuille du concierge, se le faire refuser, se faire donner 2$ à la place, se rendre compte que sa voiture était en train de descendre la pente dans laquelle il l'avait stationnée parce qu'il avait oublié le frein à main, s'en aller sans rien avoir volé, se sauver de la police et se faire arrêter. Hennings a été condamné en 2007. Il est allé en appel se faisant dire qu'il avait le droit de plaider ce qu'il voulait, même si ça n'allait pas fonctionner. Vu que les quatre experts l'ayant examiné n'ont pas aidé sa cause et que l'utilisation de drogue dure n'est pas légale dans l'État où il a commis ses actes. C'est ça. La Cour a aussi des raisons de croire qu'il savait ce qu'il faisait à cause, entre autres, de son déguisement et de sa tentative de se sauver de la police. Les circonstances démontrent une pensée stratégique intentionnelle plutôt que la folie, même si d'oublier le frein à main semble pas très stratégique. Hein, mais bon, ouais, voilà. C'est plus une distraction que la folie, finalement. Oui, c'est ça. Ah, bon. Alors, c'est beau. Ouais, c'est le fun, hein, ça. Étienne Forêt. Hey, merci, Bruno. Tu rises toujours à mes merveilles à chaque semaine. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours du bien. Particulièrement celle-là. Là. Eh bien, la semaine passée, j'avais commencé à faire les découvertes du DJ, simplement plein de choses que j'avais le goût de faire jouer qui fitaient dans aucun thème. J'avais fait jouer beaucoup de Sylvie Vartan et je voulais juste dire que ça avait suscité des réactions du côté européen. Ah ouais? Eh oui, car Lilian Schutt m'a appelé pour me dire qu'il connaissait pas la plupart de ces chansons-là et qu'il croit que ça a peut-être même jamais passé en France. Donc, c'est une chanteuse française qui aurait fait juste ça pour les passer ici. Je sais pas, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais effectivement, c'est dur à trouver, puis personne ne les connaît. Puis il veut juste aussi dire qu'en France, on la surnommait Sylvie Vartan, en enlevant le A, puis qu'elle a déjà été la première femme officielle de Johnny Hallyday. Alors, voilà. Elle a déjà été la première femme officielle de Johnny Hallyday. Elle n'est plus maintenant. Elle n'est plus maintenant. Elle a été détrônée par une autre. Par une autre qui est devenue la première. Donc, Sylvie Vartan, on t'aime. Puis, je vais certainement un jour mettre la main sur d'autres choses d'elle. Mais sinon, ce soir, j'ai plein d'autres. C'est ouais, c'est ça. Hein? J'ai plein d'autres belles affaires à vous faire entendre. Entre autres. Et là, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça a fait un peu les manchettes sérieuses. Il y a un disque qui est sorti qui s'appelle Génération Passepartout. Alors, ouais. Mesdames, messieurs, l'idée de ce disque-là, c'est de prendre des tunes de Passepartout et de les faire chanter par des vedettes qui sont nées dans la Génération Passepartout et qui mettent plein d'émotions inutiles dans leurs chansons. Et le tout en prétextant que, et là je cite, « Il n'y a pas de chansons pour enfants, ni de chansons pour adultes, il n'y a que des chansons. » Okay. Donc ça, c'est la prétention. C'est écrit dans le disque, ça? Non, c'est écrit, ça a été dit dans en fait par... Dans le communiqué de presse. C'est ça, exactement. Par le créateur du projet, voilà. Qui est nul autre que chose, je ne me souviens plus de son prénom, Bro, là, Monsieur Bro, c'est lui qui a écrit, Pierre F. Bro. Oups, mon micro qui fout le camp. Pierre F. Bro qui a écrit... De son prénom, Hey. Ouais. Hey, bro. Hey, bro. Et le cousin de Roger Martineau qui avait écrit toutes les chansons de Passepartout. Donc, l'idée, c'est qu'ils disent, les chansons de Passepartout, c'est pas pour enfants nécessairement, c'est juste des chansons, puis n'importe qui peut les écouter. Et puis là, on a des versions super poches de ces gens-là qui essayent de mettre de l'émotion dedans pour montrer que ça peut être des chansons touchantes. Entre autres, on a Marie-Hélène Thibert ici. Dites-moi, monsieur le chat, où est madame chatte? Ouf. Si vous ne le savez pas, oh, ouais. Donnez votre langue au chat. Et voilà. Ça, c'est pas une chanson pour enfants, là. Vraiment pas. Non. C'est vraiment une chanson pour adultes, regarde. Elle a de l'émotion dans la voix. On a soudain tous une petite pensée pour Cédrica. Ouais. Si tu entends ça, ne parle pas aux étrangers. OK, mais là, en gros, elle a fait du ska là, avec ça. Ouais. Ouais, ouais, parce que chacun y va de sa petite touche personnelle, quand même. Pas pour les enfants. Refrain, tout le monde. Où est madame chatte? Chat, chat! Si vous ne le savez pas, tu sais, toi? Donnez votre langue au chat. Da, da, da, da, da, da. Du coup, il se donne sa langue à lui-même, finalement. Ouais, parce qu'il est en lui-même un chat. Donc ça, c'en est une. Il y en a plein d'autres. Regardez, il y a les Lost Fingers. On se tente pas du style des Lost Fingers. Qui ça ont? Exclut la personne qui passe. Et les personnes qui écoutent. On sait reconnaître quelque chose. J'ai deux jambes et j'ai deux bras. J'ai un corps. Mais j'ai pas de doigts. J'ai une tête pour rêver à toutes sortes de belles idées. À trois, on a des jambes. À trois, on a des bras. Oh, yeah, ouais. Trois, on a trois corps, ça fait sport. Il y a ce monde qui paye là, pour on ça. On a trois têtes en fer, on a trois cœurs en fleurs. Oh, tant que c'est pas moi, moi t'avoue que. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a acheté, ça va. J'ai deux jambes et toi, deux en tout cas. En tout cas, apparemment. J'ai une tête pour réfléchir à ce que je pourrais bien construire. À trois, on voilà. Bon, je pense qu'on a compris. Ouais, on a compris ça. Il y a aussi la sublime cœur de pirate. On se tente pas d'elle non plus, hein? Non, elle... Elle chante des maisons. Avec toute sa jolie Surtout voix. Que j'ai vu les photos d'elle à poil sur Internet, là. Oh. Ah, je fallait juste excuser. Toute nue, qu'on dit. Des maisons boîte à surprise. Quelle jolie voix. Donc ça, c'est pas non plus une chanson pour enfants. Et le summum de l'album, selon moi, c'est la toune de Martin Desjambres, qui, en fait, a fait une toune avec quelque chose qui était une comptine initialement. Vous allez voir que là, c'est du préambule extrêmement inutile. Comme si bien le faire. Ouais. Alors, il nous reprend ici la fabuleuse comptine. Ils étaient quatre qui voulaient se battre contre trois qui n'avaient pas de bras. Oh. Mais un rock! Je pensais que c'était lui pas. Ça, on est encore dans l'intro. C'est long. Ils étaient quatre qui voulaient se battre contre toi qui ne voulais pas. Oh, oh yeah. Ils étaient quatre. Oh man. The shit's gonna hit the fan. Je rappelle que il y a juste deux phrases hein, dans cette comptine-là, puis c'est quand même une chanson de 3 minutes et demie. C'est normal, mais après ça, c'est « Et les quatre qui voulaient se battre, dire aux trois qui ne voulaient pas, nous sommes quatre qui voulons nous battre contre trois qui ne voulaient pas. » Il y a 6 phrases. Ben là, officiellement, c'est 2 phrases. Même c'est une phrase à cause du « et ». Probablement pour ça qu'il l'a choisi. Il n'y avait pas trop de texte à apprendre. Non, c'est ça. Ben dans le fond, c'est juste une phrase. C'est ça, c'est une seule longue phrase. Coupe de virgule. Là. Un « et » puis une citation. Ben, sérieux, j'ai quasiment le goût que tu remettes celle de Marie-Hélène Dubois. Merci. Merci. Ah non, finalement, c'est pas une bonne idée. Donc, c'était Génération Passe-Partout. Il y a, je pense qu'il y a 13 tracks là-dessus qui valent toute la peine d'être découvertes comme ça. Ça, c'était vraiment mes préférés. Tes trois préférés de l'album. Ouais. Il y a qui aussi des noms? On a fait du name-dropping un peu, là, on a du temps. Oui, OK, attends, je vais juste aller voir l'album. Il y a, bien sûr, Alpha Rococo, oh. Patrick Groux et les Bas Blancs, Linda Telly, Florence K, Tricot Machine, mesdames, messieurs. Ah ben ça, on fallait. Il fallait. Stéphanie Lapointe, Fred Pellerin, n'importe quoi. Cain, bien sûr, qui chante Bon Dodo, mon ami. Madame Moustache, je ne connaissais pas. Et la fille qui faisait Cannelle après que la Cannelle originale soit morte, là. Donc, Lucie Beauvais qui faisait Cannelle. Puis, la marionnette, c'est quoi? Elle tombait en bas du stage? il y avait quelqu'un qui faisait une voix dans Marionnette. Voilà, je brise la magie. Et puis, il y a aussi, sinon, ben, il y a de l'instrumental de chansons de ce genre. Par Pierre F. Brault lui-même. En plus des tunes avec des vedettes, il y a des tunes instrumentales qui sont le soundtrack là, comme ça. Là. Ah, des classiques. Là. Voilà. Ah, ouais, voilà. Là, t'as pas t'avais Passe-Partout qui disait aujourd'hui, je me sens triste. Il y a quelqu'un qui me poussait dans l'autobus. Ouais, voilà. J'aime pas ça quand on me pousse dans l'autobus. Donc, voilà. On s'y croit. Donc, ça, c'est pas pour les enfants. Vraiment, ça n'a pas rapport. Donc, ça, c'était cet album-là. Sinon, j'ai bien d'autres belles affaires, le fun à vous faire découvrir. Entre autres, je ne sais pas si vous vous rappelez de Elokalai 7, qui était un groupe finlandais qui avait repris la toune de Kurt Cobain de Nirvana, en fait, là. Smells Like Teen Spirit, mais en oompa, donc en genre de polka. Ils ont sorti un album récemment et, bon, il y a toutes sortes de cochonneries là-dessus. Entre autres, ben, on a, comme des millions d'années en retard, une reprise de Like a Virgin. Toujours aussi bon. Alla peruukin kirppuisen sen harmaat haapset tiukasti nuttu rallalalala. Il y a vraiment un certain charme. Hein? Et la Kalai 7, en fait, qui veut dire en finlandais les retraités. J'ai appris ça récemment. C'est tout des vieux. Yes. Wow! Tiré de leur album Oompa Circus. bientôt dans votre résidence de personnes âgées près de chez vous. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de prendre Like a Virgin finalement. Même si c'est Like Teen Spirit. Ouais, ben, c'est pas, mais tu sais, c'est pas vraiment grave de pas le savoir, je suppose. Sinon, ben, il y a aussi celle-là. Tirée du même album. Donc, c'est Kulumaton Oompa. Entre parenthèses, Can't Get You Out of My Head. Oh, on va. C'est notre ami de Locomotion. Voyons. Ben, oui, je suis en train de danser. Hein? Non, là, t'es en train de donner des coups de pied sur toutes les affaires dans le concert, là. Hein? Ah, je pensais que je dansais. Ça te dit, tu donneras l'illusion de danser pendant que tu détruisais ce qui produit ce son. Voilà, donc... C'est assez... Ouais, ouais, hein, c'est... On se tanne vite. C'est drôle, les premières 30 secondes. Mais un album complet, ça serait assez intolérable, merci. Tu fais ça à job pendant que tu travailles. Ouais, ouais, comme ça, t'as... T'as hâte de finir. Ah, ouais, non, hein. Sinon, j'ai une autre tune fort intéressante dans le style... Ouais, c'est un peu ça. Dans le style reprise poche. Sylvie Vartan en avait fait plein la semaine passée. J'en ai une autre de Vincent Vénet. Qui s'appelle L'Apologie du sort. Donc, checkez bien ça. Définis, c'est une reprise de quoi? Jusqu'à là, je dirais Steffi Choc. Avec du NIA. C'est Dépêche Mode. Ouais, cette tune-là. Ouais. Écoutez bien les paroles, c'est sans queue ni tête. Ça laisse au complet, ça va peut-être motiver ma mère à écouter une émission au complet un jour. Ça. C'est super, commencer comme ça. Alors, on dédie ça à Madame Réjean. C'est vraiment le même tout le long, c'est vaporeux. Lame! Donc, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, ça disait « As-tu connu le doute, l'infortune et l'obsession, les signes qui nous déroutent, vertu de nos ambitions? » Rien n'y fera, la lumière sera faite sur leur mystère, alors bon sang, autant faire, l'apologie du sort. Donc, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, ça, 987-3000, poste 1610, on nous informe qu'il vient de rentrer deux autres Nissan Sentra. 987-3000, poste 1610, s'il vous plaît. Voilà. Donc, C'était assez pour ce bloc-là? Ouais, je pense que c'était assez abrutissant. Ouais, on y reviendra, mais qu'on soit en forme. Là. Prochain bloc, je vais vous faire jouer des trucs qui seront à l'encan du tout. Oh. Ah, excellent. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu vois, t'as fait passer des affaires de Génération Passe-Partout. Moi, j'ai des amis qui ont fait une toune qui s'appelait Génération Passe-Partout, mais avant que le... Oui, mais je l'ai vu. Ils ont fait un bon vidéo avec ça, d'ailleurs. Oui, ils ont fait un vidéo. Là, on va écouter la toune, je pense, parce que c'est drôle de faire ça. Tes amis, c'est qui a fait ça? As-tu des noms? Le groupe s'appelle Les Bandits. Bon, cool. Et puis, vous pouvez aller les chercher sur myspace.com/ Les Vrais Bandits. Puis apparemment que leur groupe préféré, c'est les Incendiaires. Oui, pareil. J'ai entendu dire ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas vraiment de lien ensemble, là, les deux groupes. Là, part que le Singer Songwriter, c'est le même. Mais à part ça, c'est la même. C'est pas vraiment pas de lien. Hein. Ça n'a vraiment pas de lien. Alors, on va écouter Génération Passe-Partout des Bandits. Ça va jouer là, dans pas long. Là. Ça s'en vient. Ah, il est presque arrivé. Je le vois dans la porte. Les Bandits s'en viennent. Hey, les Bandits! Hey, allez-vous jouer à votre tonne, là? Parce que ça se tourne. Ah, okay, Passe-Montagne aime les papillons et les moustaches parfumées, sa collection. Julie travaille dans une épicerie. Cannelle a fait pipi au lit. André fabrique des mobiles. Avec ses cartons prunes, on se construit une automobile. Par de, je porte une chemise carottée. Par l'insomnie, c'est chaud. de tour. Perrine reçoit Noël, Robin Mater en trompe autour. Camille s'occupe de la garderie. Qui joue de la fine babine, c'est grand-papa. Un musicien? Passe à toi, mélodramatique, mélancolique. T'as une nous raconte ses aventures pathétiques. Grand-mère est une dame romantique. Pimé et Virgule sont des frères gardiens sympathiques. Le bébé de Madame Coucou s'appelle Cachou. Et le nom du chéri de Don est Bijou. À la case, moi je suis un joue gazon. Mélodie a perdu sa collation. Hello, my name is Andy Waddy. I'm listening to 70% at UCAM. I'm enjoying myself. There are a lot of nice people around. Voilà, c'était Andy Waddy, un grand homme. Je suis pas sûr qu'il enjoyait himself tant que ça. Non, tu penses? D'après mes souvenirs. Non, il me semble qu'il s'enjoyait. Moi, mon souvenir... on a un Dalton dans l'île. Correct. Voilà. Les wipers viennent de partir. Ouais. c'est moi qui se fourre dans les slides, là. Je suis pas encore super habitué, là. Tu vois, le check, voulez-vous un dial tone encore? Ah ouais. Oh, yeah. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, c'est Bruno. Je vais essayer de faire quelque chose, voir. Voilà. Non, ça compose pas. Non, ça prend deux voix pour faire 70%. C'est pas facile. Peut-être si on fait jouer la trame sonore de Rygar assez longtemps, ça va composer un numéro de téléphone, on sait jamais. Qui sait? Ouais. Je vais y aller avec une nouvelle. Là, oui! Parce que, faut faire ça. Des fois, savoir c'est quoi les nouvelles dans le monde entier, on remettra pas le thème, je pense. Non, une fois par émission, ça va être correct. Une fois par émission, je suis d'accord puis, avec ça. Après trois émissions, peut-être. ça m'émoustille tellement. Là, la dernière fois, j'étais comme pas capable de perdre mon érection, puis tout. Fait que... ça accroche des slides, la console. D'accord. Alors, il y a Yevgeny Dzugashvili qui a intenté une poursuite pour diffamation contre le journal russe Novaya Gazeta pour les commentaires négatifs d'un article sur son grand-père Joseph Vissarionovitch Dzugashvili, mieux connu sous le nom de Joseph Staline. Ah bon. L'article affirme, après la déclassification de documents de l'époque, que Staline a personnellement signé des ordres pour l'exécution de milliers de personnes. Quelle surprise! Ah ben! L'article le décrit aussi comme un cannibale sanguinaire, qui n'est probablement qu'une demi-vérité, mais bon. des sixaines de personnes âgées étaient au rendez-vous pour défendre le dictateur, leur dictateur préféré. De ces personnes, Vera Atomanova, qui était là pour le défendre contre ces terribles accusations. Il était un grand homme, a-t-elle ajouté. Il a uni le pays et créé une grande superpuissance. Une superficie. Ouais. Une grande superficie. Il a créé aussi. une grande superficie de cadavres. Et une grande... le juge a pris sa décision mardi dernier. Staline était un méchant. Le journal n'a donc pas diffamé le dictateur ou sa descendance en affirmant qu'il n'était pas gentil. Ils ont aussi refusé les demandes du demandeur de reconnaître que Staline n'était pas responsable du massacre de Katyn en 1940, qu'il n'avait pas eu de pacte entre l'Union soviétique et le parti nazi en 1939 et que, selon toute évidence, il a été le premier démocrate du pays. C'est clair. Voilà. Moi, quand on parle démocratie, je pense tout de suite. Oui, exactement. Le père de la démocratie. Ouais. Moi, je trouve ça bizarre. Avez-vous déjà remarqué que les supporters de Staline sont tout le temps vieux? Oui. Ben, ça finit bientôt. Ça doit être parce que ceux qui n'étaient pas ses supporters dans le temps... C'est ça. C'est la sélection. Ça achève. Ça achève. Voilà. Toi, là, tu veux-tu continuer là-dessus, ce lancé-là? Moi, je peux enchaîner avec les méchants du film, en fait. Parlant exactement. De Staline le méchant. Ben, Staline le méchant. Mais là, c'est ça. Ben, là, tantôt, on a parlé de Chat, et Saké et Ernie, nos trois coquinets du film La plage en folie, qui va être présenté ce soir au Brouhaha. Mais là, ça nous prend des méchants. Non. Qui est-ce qu'on pourrait bien choisir comme méchant, donc? Ah, je le sais! Des mafiosos proxénètes! Ça fait du sens? Ben oui. Alors, donc, nos mafieux, qui sont en fait un Italien cheap qui nous rappelle le plus petit des Dalton dans Lucky Luke, et son acolyte qui sert de jambon est un gros mongol qui a manqué d'air à la naissance. Ils s'associeront pour leur part au Jox de service qui se tient sur la beach. Le Jox, ce gros Chris que vous aimerez détester avec un dégoût insatiable. Un crétin sans vie apparente qui essaie de nous faire croire qu'il sait chanter et jouer de la guitare. Là-dessus, je demanderai à DJ George de partir la séquence 2. Bien sûr. Il va nous faire un de ses succès. Lundi, j'arrive à toucher sa cheville. Mardi, je remonte chante, jusqu'au genou. Il chante, là. Ouais, okay. Et mercredi, résultat. Waouh, je lui retrouve sa jupe. Il y a plein de filles autour qui trippent, là. Ah ouais, parce que c'est bon. Je caresse des yeux, son joli petit bikini. Ah, là, c'est long, les préliminaires, dans cette tenue. Vendredi, je pose mes mains sur ses hanches. Et samedi, enfin, elle m'abandonne sa bouche. Et dimanche, après le souper, je la fais monter au 7e ciel. Ah, ok, là, il l'a fourré, là. Il l'a fourré. Une ça semaine de travail. Ça, c'est Saki. Ça, c'est Saki. Ouais. Ouais. Oh. Et toi, tu te prends pour un comique? Oh. Moi? Ouais, toi, le rasmote avec tes yeux de truc, je vais te faire ta... Hey, lâche-le un peu, Tarzan, tu veux? Attends! Tiens, excuse-moi. Les méchants, on le voit bien distinctif. Tu veux que je te fasse ravaler ça? Mais il n'a rien avalé! Oh. Tu veux que je te recouvre de bleu des billes? Arrête! Arrête ton cirque, mon vieux! Tire-toi en dos! Alors donc, vous comprenez que le Jox, sans aucune raison apparente, décide de casser la gueule de nos deux crétins. Après ça, avec l'aide de ses copains, les met dans des poubelles et les pousse en bas de la côte. Alors, quand nos trois méchants vont voir aller la business de la lotion de nymphomane de Saké, Chat et Ernie, ils voudront évidemment s'en emparer. Et leur technique sera la torture, l'intimidation et les folichonneries. Technique éprouvée. Mais ouais. Fait que pour le reste, ben, je vous garde la surprise. Vous aurez mal au cœur, ça je vous le promets. Avant tout, la laideur de tout ce qui meuble la plage en folie. Sauf les pitounes à moitié nues, évidemment. Puis en masse. Quelques points importants qui vont attirer votre attention ce soir si vous venez au brouhaha avec nous autres. Dans tous les films d'ado branchés électrisants, il y a toujours les policiers sont toujours des idiots avec des guns, puis il n'y aura pas d'exception à la règle encore une fois ce soir. Aussi, il y a la journaliste frustrée sexuellement contre les hommes en général qui a comme animal de compagnie son ami fidèle, son animal... Un chien gonflable, qu'elle se fera un plaisir de percer avec une aiguille aussitôt que le chien décide de pisser dessus, parce que tout le monde veut pisser dessus, même un chien gonflable. Je pense que c'est ça le message sociopolitique du film. Tout le monde déteste les butch lesbiennes. Alors, on écoute justement le cri du fameux chien gonflable pendant qu'ils sont dans la voiture de la dite journaliste. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Barky, mais je me sens prête à faire un autre reportage. Oh, j'aime ta façon de t'exprimer, Barky. C'est un vrai téléphone qu'elle a dans sa vanne, en passant. C'est pas un téléphone cellulaire ou rien. Il y a de quoi faire un scoop sur la plage. C'est un téléphone qui fait rire. Déjà, ça part mal. Un beau téléphone orange carré, vous allez voir ce soir. Mais ce qui restera la ligne de mire de la plupart de vos projectiles ce soir, ça risque fort d'être les trois connes qui chantent dans le film Dans les films d'action, pour remplir du temps, ils nous créent une scène d'entraînement avec un beau montage puis de la musique. Mais dans les comédies pas drôles, comme celle de ce soir, ben ils ont remplacé ça par des chansons puis des pas de danse un peu ordinaires faites par trois connes en bikini à qui on donnerait même pas de cock slap. Voici leur chanson. C'est en anglais, en plus. Oh, ils ont gardé la traduction originale. Toujours ce prix, il aurait pu essayer de chanter en français par-dessus. C'est rarement bon qu'un français. Jamais. Magic potion. Magic potion. Ça veut dire potion magique, là? OK, ouais. OK. Fait que c'est ça. Alors voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche pour le film de ce soir, je vous annonce fièrement que la première insulte du film est « Tu pues! » Wow! Ça commence raide. Donc, le film de ce soir a été réalisé par Alexander Tabridi en 1987 aux États-Unis, mais ça, tout le monde s'en fout. C'est selon moi 1-7, mais je serais pas surpris si pour vous ça représente 1-8 ou pire. Alors, je vous présente avec dégoût La plage en folie ce soir au Brouhaha. On a hâte. Vraiment. C'est te convaincu, c'est le fun? Oui. C'est une forêt. Ouais. Tu veux d'autres tunes déjà, là? Ben, je sais pas, là. Je pourrais faire une autre nouvelle où on pourrait parler à notre invité. Ah! Ah, il est pas là. Parti Néo-Rino. Je pourrais jouer son rôle. OK. Alors, Gabriel Arcand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du Parti Néo-Rino, si je ne m'abuse. Oui. T'as vraiment pris une voix qui va être le fun à tenir. Pourquoi alors... vous riez? Je comprends pas. OK, c'est beau. Donc, vous êtes dans quelle circonscription, déjà? Jacques, on est où déjà? Hochelaga. Ah, voilà. Donc, il y a des élections partielles? Oui, je vais être partiellement présente. Bon, eh bien, voilà. Ça nous a fait plaisir, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, bonsoir. Merci, votez pour moi. Est-ce que quelqu'un va prendre votre place si vous n'êtes pas là pour les élections? Oh, vous! Il paraît que Simon Pratt est bon pour faire des voix de filles. He's got the magic potion! Et toi, Simon Pratt, est-ce que tu as une question pour notre invité que tu pourrais lui poser et changer de voix très rapidement pour pouvoir après ça? Pendant ce temps-là, on va aller prendre une bière. Eh bien, bonjour. Bonjour. On raconte que vous avez fait beaucoup de promesses l'an dernier dans vos circonscriptions, que vous ne les avez pas tenues. Qu'est-ce que vous avez dit pour votre défense? Jacques, qu'est-ce qu'on a à dire pour notre défense? C'est là qui mange la marde. Qui mange la marde? Ah. Merci, Jacques! D'accord, je crois que c'est tout pour mes questions. C'est bon. Merci, madame Voigu. Anctil. Anctil. Merci, monsieur Simon Predge. Ça fait plaisir. Prochaine fois, je vais me rappeler de faire attention à ce que je dis. Hein? Ouais. Faire embarquer dans des histoires encore. Là. Excellent. On va aller. Je vais t'en jouer des tonnes. <ça, là. rire> vas-y, mets-en. T'as l'air à court de matériel. Bon, alors ici, j'ai. J'en ai plein du matériel, va chier. OK, alors on a. Je sais même pas c'est qui chante ça. J'aimerais un jour le savoir, mais je suis tombé là-dessus à un moment donné. Ça s'appelle Tigui, passe-moi ton peigne. Et c'est une toune assez étrange qui dure, heureusement, son gros avantage, c'est qu'elle dure seulement 1 minute 43. J'aimerais ça qu'on l'écoute au complet. Vous allez voir, c'est bon. Bon, ben. Oui. Ouais, ce qu'on va faire à soi, on peut pas aller au but. Je prends une tour. Tigui, tigui, passe-moi ton peigne. Tigui, tigui. Tiens, là on est bien assis. On prend l'air, on se repose. Ça coûte rien, puis on va passer à veiller pareil. Tigui, tigui. Je suis cassé comme deux clous. J'ai pas d'auto, ni d'argent. Ça me fait rien. Et je m'en fous. À part ça, je suis pas obligé de me casser le cou. T'auras toujours le temps. Tigui, passe-moi ton peigne. Tigui, tigui. Tiens, on peut aller acheter des liqueurs? Souvent des bouteilles vides. Viens, mon petit cœur. On va aller au restaurant chez vous. Ziggy, Ziggy, mange me ta peine. Ziggy, Ziggy. Je suis content que tu sois là. J'ai du plaisir avec toi. Ça me donne de la voix. Regarde, je veux chanter un opéra. Ziggy, Ziggy, mange me ta peine. Ziggy, Ziggy. Qu'est-ce qu'il y a, ce peigne-là? N'arrête pas de me le demander. Je veux simplement que tu arrêtes de te peigner. Tu penses jamais de m'embrasser. T'es tellement fin à force ça. Wow! Tu me surprends? Tu m'as jamais demandé ça? C'est quelque chose que j'aime. T'es la plus fine. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, j'aimerais ça savoir qui chante ça, mais je suis juste tombé là-dessus à un moment donné par hasard sur un site web. Il n'y avait pas de nom de chanteur, puis j'ai jamais trouvé qui chantait ça. Tiggy, passe-moi ton pain. Hey, si vous le savez, alors, vous appelez. Appelez-nous, hein, on a des Nissan Sentra et tout. Ouais, ouais. Ils n'ont toujours pas été gagnés les deux dernières. Non, ça commence à prendre de la place dans le studio. Heureusement qu'il y en a 90 de sortie. Donc, ensuite de ça, je vais enchaîner avec Tonio Lachance, qui, me dit-on, serait le cousin de Fidel Lachance. Oh! Non. Ouais. Ben, qui t'a réussi à mettre la main là-dessus? Est-ce qu'on vient de te le dire, genre, This Justin? Ouais, ouais. On passe une dépêche, attention, mesdames et messieurs. Tonio Lachance est le cousin de Fidel Lachance. Ah ben, vous l'avez entendu ici en premier. Et il fait des excellentes chansons. J'ai tout un album de lui, mais je vais en faire jouer seulement une question de me restreindre un peu. Je la dédie à Sarah, qui était supposée être là aujourd'hui puis qui n'est pas là. La chanson s'appelle « Sarah Tangresse ». Il y avait Sarah Tangresse. Oh boy. On voit un peu le lien avec Fidel quand même. Il joue de la guitare, tu veux dire? Sarah Tangresse! Oh un peu plus de voix, par contre. Sarah, tu plais. Je suis un bon régime. J'y ai baissé le son un peu, là. Il faisait mal buzzer mes aiguilles de VU un peu. Lâche les tourtières. Les tourtières, surtout. Et la grosse bière. Bonne idée. Il donne des bons conseils. Fais du basic. Pixie. Surveille ton cycle. Surveille ton cycle. Surveille-le. Sarah Tangresse! Je faut que je le rebaisse encore. Sarah, tu pailles. Je suis un bon régime. Si tu veux maigrir. Ok, je suis plus capable, man. Enlève ça. Hey, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ah, oh, calvaire, calvaire. Hey, vraiment rough, celle-là. C'est quelque chose, hein. J'ai un album complet de ça, puis ça, en fait, ça vient d'une cassette qui a été enregistrée comme ça chez eux. Puis c'est pas officiellement un album, c'est comme lui qui fait ses tunes puis qui est présente, tu sais, que c'est pour ça qu'il dit « Il y avait Sarah Tangresse », puis là, la tune part. Ah. C'est okay, comme s'il expliquait à quelqu'un, tu sais, les tunes qu'il a faites. Comment t'as fait de mettre la main là-dessus, toi? Ça, en fait, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Je reçois souvent des dons d'auditeurs généreux. C'est bon. Si je me rappelais, puis que j'avais préparé un peu plus mes affaires du nom de la personne, je le remercierais en nombre. Mais je m'en rappelle plus. Donc, si jamais elle se reconnaît, me semble que c'est une fille. Merci, fille. Voilà. Sinon, bon, j'ai des tunes qui font partie de disques qui vont être vendus à l'encan douteux. Donc, on a des maudites bonnes affaires. Premièrement, il y a un magnifique groupe ici des années 80 qui s'appelle The Klaxons, donc les klaxons. Et le groupe, ça a l'air de 4 Mario Bros avec chacun des instruments. Ils ont vraiment la casquette, la grosse moustache, le petit T-shirt. Il y en a un qui joue du guitar, il y en a un qui joue de la bass, un qui joue du drum et un dernier qui joue, et non le moindre, de l'accordéon. Et leur grand succès, le chanson-titre de l'album, c'est Clap Clap Sound. Un excellent album. C'est de l'instrumental accordéon comme ça tout au long. Parfait pour vos danses en ligne dans vos parties de Noël. Tu dis que les membres du groupe ressemblent à des Super Mario Bros. C'est ça que tu dis. Vous saviez que cette semaine, Captain Lou qui jouait Super Mario à la télévision est mort? Non, je savais pas. T'avais-tu l'intention d'en parler? Non, j'avais pas l'intention d'en parler, mais là, maintenant que tu parles de Super Mario... Eh ben... Donc on lui dédie cette chanson-là. On lui dédie ça. On lui dédie cette chanson-là. Clap, clap, sound. C'est pour toi, Lou. Sinon, bon, c'est assez de dédicace comme ça. On va passer à deux reprises que les klaxons ont fait. Donc, on a celle-ci, qui n'a presque jamais été reprise. Dit ironiquement. En fait, je pense que tous les groupes qui étaient ont déjà repris cette version, cette chanson, La Paloma. On va l'avancer un peu. On avance encore. Voilà. Ah, voilà. Tout le monde la reconnaît maintenant. Il avait l'air à rocker plus que ça sur la photo de la pochette, les klaxons. Ils ont l'air vraiment trippant sa pochette, mais finalement... sont très smooth. Hein? Il y avait un bon nom de band aussi, puis tout. Sortir. C'était prometteur. Mais moi, je vous dis, si vous êtes plus capable, ben, venez acheter la seule copie qui reste, puis détruisez-la. Détruisez-la. Ils ont également repris ça, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a déjà eu Da Da Da. Ouais. Du coup, on l'oublierait. On a la bête à l'accordéon. Oh, boy. Touche Pacini. La touche Pacini. On va essayer de le mettre dans le vif du sujet, là. Ouais, parce que... Ah, voilà. Ah, comme ça fait du bien. Je sens que je boirais une Corona avec une lime. Ouais, c'est vraiment enlevant. Hein? Ah oui, c'est vraiment, t'as le goût de l'enlever. Ouais. Donc, ça va être à l'encan douteux. Sinon, un autre excellent album. Oups, il y a un petit glitch ici. Ça, c'est ma blonde qui est passée à côté de la table tournante. Puis ça te tentait pas de la remettre. Non, là, je t'ai rendu loin, puis je me suis dit, fuck it. J'ai un album du temps d'une paix. Tout le monde se souviendra de cette magnifique série télévisée de Pierre Gauvreau à Radio-Canada avec Rosanna et Joseph Arthur, aka Fardoche. Ils ont sorti un disque en 1984. Ça n'a aucun rapport avec rien. Il n'y a pas d'extrait de la série sur le disque. Il n'y a pas de chanson du disque dans la série. C'est juste comme on va rien capitaliser sur deux personnages que les gens affectionnent. Ils nous chantent évidemment des chansons du terroir. Donc, entre autres, j'ai retenu ici la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on voit que c'est sur l'air de Don Dan, Son of a Bitch, Haute ta graine dans ma sandwich. Oui, voilà. Je dis à ma femme qu'il faut pourtant, je dis à ma femme qu'il faut pourtant, qu'on aille pendant qu'on existe, ouais, bon, si là, c'est un baptiste, à force la tourmenter, j'ai fini par la décider. À force la tourmenter, j'ai fini par la décider. Donc on reconnaît Fardoche et Nicole Leblanc. Fait qu'en gros, l'album, c'est de même un peu tout le long. Là. C'est des petites tunes du terroir comme ça. Alors, on va l'écouter en entier. Non. Je suis même pas d'accord. Mais il y a une autre tune qui est plus intéressante que ça sur l'album, qui s'appelle L'Alphabet. Et là, je sais pas si c'est eux qui ont composé ça, mais écoutez bien, comme c'est super brillant. Chaque phrase qu'il dit se termine par une des lettres de l'alphabet dans l'ordre. Des fois, c'est un peu tiré dans l'ordre, au moins, parce que moi, toutes les phrases que je dis se terminent par une des lettres de l'alphabet. Oh, oh, oh, on est au hall. Le sang, mon cœur flambé. Bé, bé, bé. Je désire l'embrasser. Oh. C'est. On se demande ce qu'ils vont dire. Sur sa belle bouche fardée. Oh, bé, c'est dé. Ils font tout l'alphabet comme ça. C'est assez sympathique. J'entends la fin. Il y a Yellow Molo qui avait fait la même chose avec les chiffres. On les salue. Ouais. Non, non, pas moi. Sans déroger. Ouais, salut là, ils ont rien que ça. Ah, salut là. Il y a des lettres un peu plus weak là, comme le H qui rentre un peu mal là, quand même. Oui, je l'embrasse. Je l'embrasse. Moi j'aurais dit j'y offre une bite de H là, ça aurait... Comment ils font pour W? Écoute, je pense que je l'ai même pas entendu jusque là. Je vais l'avancer dans la fin. J'ai jamais eu le courage d'écouter jusque là. Après cette entrevue. Et croyez m'énerver, bébé, bébé, en parlant de son Félix. X, ah, il saute. Ah, ben. Il en a une douzaine. UV, XL. UV, XL. Fait que W et Y sont carrément absents de la chanson, monsieur. Ben là, tu sais, t'es dit pareil après, là. Mais c'est ça, il est saut non, comme il aurait pu dire genre, il lance comme Y ou quelque chose du genre. Y, Y. Ouais, c'est bon, tu sais, bon. Il fait quelque chose comme les Y. Ouais, c'est ça, comme Y. Ça aurait pu être fait, en tout cas. Ouais, va, W, c'est sûr que c'est plus difficile. C'est, plus, ouais. C'est comme George W, W, W, W. En tout cas, fait que ça, c'est, c'est ça, ça, c'était ça. Sinon, il y a un album de Tap Tambour. Je sais pas si vous connaissez ça, vous autres, Tap Tambour. Mmh. C'est, pas, c'est une émission pour enfants, ça, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Et puis... c'est pas... chose, c'est pas l'affaire que tu vas faire. C'est pas l'affaire qui me disait quelque chose. C'était en 82 que ça jouait. Donc moi, j'étais un petit peu trop vieux pour la suivre, mais je me rappelle que je voyais que ça existait. Là. J'avais jamais vraiment écouté. On a la chanson thème ici. Ça va vous donner le ton, là. Ça a commencé, mais non. Fait que le disque sonne vraiment de même, pas mal tout le long. C'est comme du genre de harmonium pour enfants. Ouais, genre. C'est une toune de même, là. Qui s'enchaîne. C'est Tap Tambour. Bon. Alors, sur cet album-là, l'album est insoutenable. Ça n'a aucun bon sens. C'est comme tellement léger et flûté que tu peux pas toffer vraiment longtemps. J'ai pris deux tunes. J'ai même pas tout écouté. J'ai rien que je me suis fié au titre à un moment donné. J'ai choisi Coin Coin Can Can Can. Je me dis, tu sais, ça peut pas vraiment être mauvais. Au pire, ça fait qu'une bonne joke quand tu dis le titre. Coin Coin Can Can Can. En se dandinant, voilà. Coin, coin, quand, quand, quand, les canards s'en vont au champ. Bon, on a compris le concept. Ils s'en vont au champ. Voilà. Et ici, pour assez cueillir étrange. Cueillir des fruits. On a Pâques, tu es mon ami. Donc, celle-là, je l'ai gardée parce que j'ai c'est vraiment beau. Pas beaucoup de chansons de Pâques. De Pâques, c'est une fête qu'il y a peu de chansons comparé à Noël. Donc, mettons qu'on compare avec la fête qui a le plus de chansons. Mettons. Pâques lumière, Pâques soleil, fête fleurie, tu es mon ami. Pâques lumière, Pâques soleil, fête fleurie, tu es mon ami. On t'aime, Pâques. Respect. Voilà. Fait que, c'est ça, c'est une toune de Pâques. Je vais la faire rejouer au complet à Pâques, là. Mais là, on va se retenir. Oui, c'est gentil. C'est bon, merci. On en part dessus. J'en ai peut-être un dernier disque. J'ai trouvé un disque, c'est un 78 tours qui s'appelle Canary Training Record. Ah oui. Et puis ça, c'est créé par une compagnie qui vend de la bouffe à oiseaux. Puis eux, ils disent qu'un canari... tout seul de même, ça peut pas chanter. Vaut mieux que deux. Tu l'auras. Ça chante pas bien si c'est rien que tout seul dans ta maison. Faut qu'ils apprennent par des canaries professionnelles. Fait qu'ils ont fait un disque qui disent de laisser jouer à côté du canari pour qu'ils apprennent à chanter avec ces professionnels-là. Mais évidemment... Comme une Céline Dion du canari. C'est ça, exactement, qui a été sélectionnée. T'sais. Puis malheureusement, pour rendre le tout encore plus désagréable, on s'est dit, on va pas rien que mettre des sons d'oiseaux, on va mettre quand même de la musique. Donc, il y a cette toune-là ici. Ça griche un peu, là, c'est un 78 tours. Fait que ça, tu sais, non seulement t'as un canari chez vous, mais t'écoutes cette musique-là, puis ils disent de le faire jouer plusieurs fois par jour, à tous les jours, l'entièreté de l'album. Fait que ça doit venir un peu gossant. Sinon, il y a aussi celle-ci. Oui, oui, oui, oui. Oh, shit de mort. Alors ça aussi, vous allez pouvoir miser sur ce magnifique album, ne serait-ce que pour en faire un frisbee, parce qu'un 78 tours, ça fait des excellents frisbees. C'est vrai, ça. C'est plus petit, c'est plus épais, puis c'est plus rigide. Ouais. Que je le recommande. Voilà. C'est très, très bien pour si vous avez un chien. Ouais. Ou si vous avez un mur de briques. C'est ça. Ou si vous avez des canaries. Vous avez des canaries, peut-être, ouais, même. Hein? Mettez des lames dessus, là, lancez-le sur votre canari. Voilà, et ça va l'entraîner, l'entraînement ninja. T'es sort des heures de plaisir. Canari, voilà. On t'aime. On pense à toi. Ok, c'est ça, mesdames, messieurs. Bruno, aurais-tu une petite nouvelle pour nous autres? J'ai le goût d'être informé. T'as envie d'être informé pendant qu'on écoute un canari se faire aller la pétanque? voilà, une petite nouvelle d'Halloween, okay? Même si c'est pas encore l'Halloween, ça s'en vient. Fait que on va faire une petite nouvelle d'Halloween, hein? C'est bien le fun, ça, les nouvelles d'Halloween. Alors, le corps d'un homme de 75 ans se décomposant sur le balcon de sa résidence de Marina Del Rey en Californie est resté là pendant des jours. L'homme était apparemment mort depuis lundi d'une blessure par balle dans l'œil. Il était évaché sur la chaise de son balcon du troisième étage, mercredi, quand les autorités ont trouvé le corps. Les voisins avaient remarqué le corps lundi, mais n'avaient pas appelé la police, croyant qu'il était un mannequin d'Halloween. Voilà, alors le corps il était à la vue de tous, mais personne n'a rien fait, affirme Austin Rangebrook, un caméraman qui était sur la scène. Il avait l'air plutôt irréel, pour être honnête, a-t-il ajouté. C'est flyé, ça. Pas fait, hein? T'as la barnache. Voilà. Alors, on retourne aux Canaries. Oui, pour que ça joue en loupe, là. Ben, important. Ça joue en loupe. Ah, ben... Ben, finalement, on s'habitue à un moment donné. Ouais, hein, c'est pas tu l'entends plus, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un bruit de fond. On va aller écouter d'autres choses. OK. Puis on va revenir. Puis on va essayer de trouver quelque chose pour meubler le temps. Là. Ah, ben écoute. Fait que, il te reste une autre affaire, toi, hein, c'est ça? Bon, c'est bon. Fait qu'on va aller écouter quelque chose, puis on vient avec Simon Predge qui va chialer. La meilleure émission de choc FM de tous les temps. À vie. The Dead Set avec Negative Thinking. On revient. C'est ça qui arrive quand on pèse sur des pitons là, pis tout là, pis qu'on n'est pas bon. Alors, on est de retour à 70% en plein milieu d'une toune. Hein? Donc, Simon Predge, ça te tente-tu de chialer un petit peu? Ben oui. OK. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour ma chronique de la semaine dernière, qui était un peu plus down. Ouais, un peu. Un peu. Fait que je vais ramener la chanson au thème qui avait pas été faite la semaine dernière, en fait. Puis on va repartir ça en force. Ben, ça va toujours mieux quand c'est branché. Et voilà. Quand ça fait fusil. Bon, en tout cas, hein, on a essayé quand même. Ouais, c'est ça. Ça, c'était... Il y a pas. Tabarnak. OK. Ben ouais, semaine dernière, j'étais un peu down parce que la semaine s'était merveilleusement bien passée, ma foi. Mais dès mardi dernier, une tabarnak de femme enceinte de 24 ans m'a demandé de lui laisser ma place dans le métro, puis ça m'a mis en calice, ce qui m'a redonné un regain d'énergie suffisamment grand pour y faire une jambette. Fait que c'est ça. Moi, les transports en commun, c'est pour ça que ça m'énerve un peu, là, tu sais. Parce que, t'sais, moi, c'est pour ça que j'utilise le moins possible, en fait, parce que, premièrement, ça coûte les yeux de la tête. Puis, deuxièmement, parce que c'est bien trop compliqué, si t'as tout en train d'attendre en ligne. T'aurais beau penser que ça va aller plus vite pour retourner à la maison, si de prendre le métro, mais pour pas manquer l'émission de Ricardo qui va nous apprendre à faire des Curry Rice Krispies avec des Frosted Flakes, parce que c'est plus sucré, puis que ça fait tout, tout, tout dans les affaires, comme avec un ours tout nu. Mais non! Tout le temps que tu passes gagner avec le trafic, esti, tu le repères une fois par mois en attendant un fil comme un beau cave, esti, qui est derrière la chute Greta au dépanneur. Ah, petite carte à la marde. Il pensait que ça allait solutionner, mais ça change rien pas en tout. Mais j'ai un petit truc pour vous autres. La prochaine fois que vous attendez en file pour quoi que ce soit, puis vous avez, comme moi, plein les oreillons d'attendre, c'est bien simple. Crie une alerte à la bombe, et voilà. En 30 secondes, tu vas voir tout le monde se sauver comme des poules pas de tête. La chance sera libre pour aller crouger la caissière de 70 ans pour essayer de passer dans le métro gratis en rêvant à Ricardo. À bon chat, bon rat. Mais pour en... Mais pour en revenir aux femmes enceintes, par exemple... Asti de grignasse profiteuse de calice! Hey, là, je veux bien croire qu'on a besoin d'enfants qui sont l'avenir de notre futur, puis qu'on va avoir besoin d'eux quand on va être trop vieux pour changer nos couches pleines de marde. Mais tabarnak, le problème est dans l'attitude des mains porteuses. C'est pas parce que vous êtes fait venir dans la verge qu'on doit vous accorder tous vos souhaits, le bâtard, OK? Ça se bourre de marde vitaminée toute la journée, sans lire ce qui est écrit sur l'emballage. Après ça, ça se plaint que ça a mal au cœur puis que ça a le goût de vomir, esti, pour faire pitié puis se faire dorloter parce que nous, comme des beaux tatins, on pense que c'est pas de leur faute, pauvre petite. Sacrement! Arrête de faire ta chachotte épaisse. Si mon pénis a déjà passé par là, ça veut dire que tu pourrais accoucher d'un hippopotame. Fait que si tu voulais, tu pourrais te faire... Ah, je pouvais juste arrêter de broyer, si tu te fatigues, je suis plus capable de t'entendre, Chris de Guidoune. Si, tu vas peut-être m'enlever le goût de t'avorter avec une ouvre-boîte, si tu te calmes un peu, là. Parce que c'est pas en enlevant, c'est pas avec ton gros cul pis ton estomac plein de fœtus visqueux que tu vas me donner envie d'enlever ton linge pis de t'écouter parler. Parce que ça parle en plus, ces grosses crises-là, hein. Pis, si t'es écoutes pas, il profite de l'enfant pour partir avec tous tes meubles, ton char, ta maison pis le reste de ton salaire des 20 prochaines années à suivre, sous prétexte que tu lui dois la lune. Hey, nounoun, quand je t'ai promis la lune, là, ben c'était juste pour mettre mon engin dans tes petites festettes. Master qui ont disparu pour faire place à un camion d'Iroux. Ben, crée-moi que le contrat, je l'ai déchiré, là. Si tu veux la lune, là, va au Cosmodôme à Laval. Il y en a un autre des morceaux de roche de la lune. Puis sinon, ben, tu peux voter pour le parti Néorino parce que Tommy Godet vous promet la lune cette année dans son plan politique. En tout cas. Voilà. Voilà. J'ai juste hâte que t'accouches pour de bon, esti de femme enceinte. Premièrement, pour que tu fermes ta gueule puis t'arrêtes de faire des revendications d'épaisse. Puis deuxièmement, pour te faire avaler ton esti de placenta, ça va te donner une idée, esti, de ce qu'on doit avaler pendant vos crises de 9 mois qui vous transforme en créature de l'époque paléolithique. Puis que faites-vous, esti, qui fait que vous parlez juste d'ourson, de pyjama puis de couleur pastel. T'es rendu tellement grosse, esti, que ça va plus vite de passer par-dessus que faire le tour. Hey, ça te détruit-tu un corps, c'est un fœtus réel un peu. Hostie, on dirait que les seins se décrissent pour aller rejoindre le nombril. À cœur pédant, rien d'impossible. Ah, ta gueule! T'aurais mieux fait de licher à moquette à la place de laver le mât, hostie. Ça t'aurait permis de garder ta tête pis ton charme. Tu m'énerves, femme enceinte. C'est pas moi qui t'ai enfanté. Fait que prends ton trou pis attends ton tour. Calme tes petits nerfs pis avale ton pécot de yogourt avant de dire quoi que ce soit. Je comprends absolument rien quand tu rumines. Mais c'est pas les seuls qui ruminent de façon incompréhensible. Y'a les handicapés aussi. Des vrais petits Kevin parapuissance. Ils parlent comme s'il y avait une poignée de biscuits soda dans la gueule, si bois. Je le sais bien, si que t'as manqué d'air à naissance, comme le gars dans le film de la plage en folie. Mais si, c'est pas une raison, ça. Articule! Déjà que t'as des places de parking réservées, des organismes qui payent ton loyer pis tes béquilles, la pitié de tout un peuple, mais en plus, faudrait qu'on t'aide à financer ta campagne électorale, ben va donc chier, calice, tu l'auras pas mon vote, esti de gros calice de Mongol, parce que mon vote, il s'en va au parti Néorino, au moins eux autres, ils s'assument que c'est n'importe quoi, pis ils prennent même pas la peine de se laver avant de se rendre en conférence de presse, c'est ça que j'appelle de l'honnêteté envers ces cons citoyens. Tu pues, c'est pas grave, t'assumes, tu y vas pareil. M'a dit comme qu'on dit, c'est bien pour dire qu'ils disent, ma femme a dit ça. Mais anyway, on s'entend-tu que ceux qui finissent en politique, c'est rarement des lumières? Parce que n'importe qui de moindrement brillant fait autre chose de sa vie qu'aller en politique. Je vais vous donner des exemples. Cette semaine, je suis tombé sur un article qui parlait encore du particulièrement paysan conseiller municipal de Hérouville, la petite communauté de crétins en Mauricie. Et j'ai nommé l'idiot du village, André Drouin. On a tout entendu parler de leur grand livre d'anti-accommodement raisonnable. Eh bien, ils viennent d'ajouter un nouveau chapitre à ça. Son livre taché de marde. Voici sa nouvelle réglementation du code de vie d'Hérouville, inspirée par un événement arrivé à Toronto, aussi aux États-Unis. Voilà. Il est interdit de déterrer les cadavres pour festoyer avec. Ah. Hey, sont-tu gâchés de party? Moi qui voulais justement déterrer la poune puis Roméo Pérus pour aller faire un trip de moche à Hérouville habillé d'une burqa avec le logo du groupe Cannibal Corpse d'imprimé dessus. C'est pas grave, on se reprendra. Comme autre exemple, il y a le plus jeune maire de l'histoire et j'ai nommé Daniel Gagné, un fier citoyen de Saint-Zacharie. C'est où ça, Saint-Zacharie, premièrement? En tout cas, anyway, il est entre autres aussi directeur de comptes commerciaux à Saint-Georges-de-Beauce dans une caisse de jardin. Asti, c'est bien juste à Saint-Zacharie puis à Saint-Georges, asti, qui sont prêts à proclamer un ticket de 19 ans pour diriger. Il a remporté le poste de 3 voix de différence avec son adversaire. J'ai nommé un autre nobody. Quand c'est ça, il y avait personne de mieux, est-ce que tu vas me dire, pour diriger Saint-Zacharie? Ben, je te crie, Chris, est-ce que tu gagnes d'épais, Saint-Zacharie, tu sais. Elle doit être encore une autre est-ce que village de consanguin, là. Mais justement, en parlant de gros mongols, je suis allé acheter des cigarettes hier au dépanneur pour faire passer mon 18e café de la journée. Puis qu'est-ce que j'ai vu dans l'étalage de magazine sur la page couverture du Éco-Vedette? Nathalie Simard! Hostie, je suis plus capable! Quand est-ce qu'elle va mourir? Hostie, il y a 2 semaines, elle se plaignait qu'elle voulait plus faire d'entrevue. Mais hostie, comme elle a la mémoire d'un poisson rouge, c'est-à-dire, hostie, que ça s'efface complètement à chaque 30 secondes, ben reviens nous faire chier, hostie! Je suis plus capable. Cette semaine, elle dit qu'elle s'est créée avec ses enfants et son chum. Ils se sont créés leur propre famille. Ben voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, premièrement? Puis si ça veut dire ce que je pense, ben si t'as pas ben le choix, y'a plus personne qui veut de toi, si t'es fatiguant, décroche calice, tu fais plus pitié, c'est fini ce temps-là. Surtout que depuis qu'ils ont sorti sur Internet tes sextapes privés de tes ébats sexuels avec ton frère René pis Guy Cloutier, je veux bien croire que c'est une cassette qui date de ton enfance parce qu'on voit clairement que t'avais pas encore ton gros cul, là. Là, je t'avais de mettre ta tête à prix. Si vous m'apportez la semaine prochaine la tête de Nathalie Simard dans un pot de formol dans nos studios de Choc FM, je vous donne une licence M3 jaune cacadois, sti. Ah! Ça va faire du bien, sti. J'ai hâte d'avoir ça. Sinon, on la vendra à l'encan au plus donnant. Parce que j'ai beau haïr les femmes enceintes, les files d'attente, les politiciens pis leur village de consanguin, là, ce sera jamais une haine aussi spectaculaire que celle que je cultive pour Nathalie Simard. J'aurais juste envie de te venir dans les yeux pis que te nailler d'une poche de patates remplie de serpents vénéneux attachés avec un bloc de béton après avoir enlevé toute la peau de ton corps pour te rouler dans le sel avant de t'arracher les trompes de salope pour te rendre stérile. Juste au cas où il te prendrait l'envie de te reproduire avec un des serpents dans le sac avant de crever comme un mollusque dans le fond de l'océan. La prochaine fois que je vois ta face sur un magazine ou à TV, j'organise une marche pour revendiquer l'abolition de ta présence sur Terre et de chacun des mots qui pourraient s'échapper de l'anus que t'appelles ta bouche et flanc dans les dents détritus humains. La semaine prochaine, je vous parle du monde merveilleux des nains. À ne pas manquer, parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. La preuve, je suis fait moi-même sur le gabarit de Bambi. Et pourtant, je peux mettre quelqu'un dans le coma si je le frappe avec mon pénis en érection. Alors la semaine prochaine, le nain, c'était compris. À 70%. Ça fait du bien de t'avoir de retour. Merci. C'est exutoire. On a envie d'aller voir nos avocats. Le plus vite possible. C'est ça la définition d'exutoire. Ça donne envie d'aller voir nos avocats. Moi, il me reste une nouvelle, fait que je pense que je vais faire ça là. Je crois bien qu'on est presque rendu à la fin. Ouais. Alors, il y a Scotty Robertson, un résident de Huntsville, en Alabama, qui a reçu pour plus de 19 000 $ en contravention de stationnement de la ville de Birmingham. La raison, sa plaque d'immatriculation personnalisée. Robertson affirme que sa plaque, qui est faite de 7X, c'est-à-dire XXXXXXXX, là, est un hommage à son surnom de Racer X, obtenu à l'époque où il modifiait des voitures. Et les 7 caractères, c'est parce que 7, c'est son chiffre préféré. Alors, lorsque la police de Birmingham trouve une voiture sans plaque stationnée illégalement, ils entrent 7X sur le rapport. X voulant dire qu'aucun caractère n'est disponible. Robertson a commencé à recevoir des lettres l'informant que de la quantité phénoménale de contraventions, parfois 10 dans la même journée. Après avoir communiqué avec la police, Robertson a reçu une lettre confirmant que 2 des contraventions avaient été annulées, mais il recevait toujours des menaces d'arrestation. Mercredi dernier, la ville a enfin avoué qu'il avait reçu ses contraventions à cause d'une erreur. J'espère voilà. qu'il en a profité pour se parquer partout. Tout ça, pour ouais, je suppose que c'est annuler ça qu'il a fait. Ses contraventions. Non, lui, il a dit qu'il est allé là juste une fois et qu'il n'a jamais pogné de ticket. Il a aussi affirmé que quand il a appelé la police, la madame lui a répondu « Ah, on viendra pas vous arrêter, on n'a pas de manpower pour faire ça. » Ah, c'est rassurant. Voilà, alors, ça doit être les mêmes policiers que dans le film La plage en folie. Fort probablement. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être Les mêmes policiers. C'est les mêmes, exactement. C'est sûr, sûr, sûr. Alors, je pense que ça va être la fin de l'émission. Avez-vous d'autres choses à dire, vous autres? Je vous aime. Ouais, c'est ça. À part ça, y avait-tu quelque chose de pertinent? Je m'aime. Ouais, d'accord. Moi, j'ai rien à dire. Rien à dire non plus. On va laisser la place aux gens de Écran Total. En attendant, nous, on s'en va au brouhaha. Regardez La plage en folie, oui. qui devrait être... un film. C'est un film, en effet, on je confirme. Confirmer. Alors, on peut confirmer, on me confirme que c'est un film qu'on s'en va voir au brouhaha ce soir, qui s'appelle La plage en folie. N'oubliez on a un nouvel ordi, puis tout, là, au brouhaha. C'est vraiment, vraiment le fun. Si vous avez des performances pour le Téléthon. Contactez-nous à douteux@douteux.org ou à predge@douteux.org, probablement. C'est là qu'il faut aller voir. Et voilà. C'était 70%, prenez soin de vous. Un 70% à la bonne franquette. On pense à vous. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Passe aux Canaries, les Canaries. Sortir de l'ombre, je m'en vais.